le groupe Belussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Weekend. Après, on va dire, toutes ces morceaux musicaux qui nous ont emballés. Et bien ce soir, oui, on va parler sport. Pendant une heure et demie, on va revenir un petit peu sur l'actualité sportive de ce week-end. Et avec moi, il est au téléphone, il est très loin, il a pris le parapluie. Il paraît qu'il a les cirés et il a même les bottes. C'est Jean-Yves, bonsoir Jean-Yves. Salut Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Allô, allô, Jean-Yves, est-ce que tu es là? Oui. Voilà, oui, parce qu'on on a eu peur que tu étais dans le sous-marin, puisque à Brest, on connaît l'étendard de Brest, avec bien sûr le départ de la route du Rhum. On croyait que tu étais partant, non? Fred, je ne suis pas tout à fait à Brest, je suis un peu plus bas que Brest. Ah bon, ça va. Je suis à la Peine 13, pour les gens qui connaissent, c'est au sud de Brest, à côté d'une ville qui s'appelle Châteauleugne. Parfait. On t'entend très bien, Jean-Yves. On va te retrouver dans quelques minutes avec moi, bien sûr, Bibi Bougon. On est en t-shirt. Il fait 26 degrés ce soir ici à Bédaride et surtout à Monteux dans les studios et Carpentras aussi, 26 degrés. Comment tu vas, Didier? Pas à la pêche avec son ciré jaune. Ah, ça va mieux, ouais, ça. Non, c'était pour Jean-Yves. Non, il n'a pas besoin peut-être de son ciré jaune. Voilà, pas en ce moment. Alors, ce soir, tu es le bouc émissaire, mon cher Jean-Yves, puisque tu es le porte-drapeau du Vaucluse dans une région hostile. Et c'est pour ça qu'il te taquine depuis tout à l'heure. Écoute, profitez-en parce que je ne vais pas tarder à revenir. Et là, il y en a quelques-uns qui seront moins les malins. Je vous avertis. Bon, on vient juste d'apprendre que notre ami Henri, eh bien, puisque c'est le sommaire, ne sera pas là ce soir, mais il vous embrasse très fort, car il est déjà sur Marseille, puisque le prochain match de l'Olympique de Marseille doit affronter Ajaccio. Il est déjà, Bastia, il est déjà sur le terrain de l'Olympique de Marseille, c'est pour ça qu'il ne sera pas là avec nous ce soir. Ah. Ouais, ça va être chaud alors. Ah ouais, ça va être chaud, ouais. Voilà, bon, le sommaire ce soir de cette émission, puisque Marie, on la retrouvera tout à l'heure pour son magazine Horizon. Eh bien, démarrons le sommaire. Rugby à 15, les résultats des phases finales dans quelques minutes avec Jean-Yves, Fédéral 2, Fédéral 3, on prendra ça bien sûr, les nouvelles sur les sites de rugby, on regardera un petit peu qui c'est qui est monté en Fédéral 1, en Fédéral 3, on verra qu'il n'y a pas eu de changement, tandis qu'en Fédéral B, Château-Renard va se faire la cerise sur le gâteau pour le comité de Provence, puisqu'ils sont en finale de Fédéral B. En rugby à 13, le SOA d'Avignon, la muraille de Carcassonne était trop haute à franchir. On reviendra en détail sur ce quart de finale avec Jean-Yves dans quelques secondes. Handball National 3 féminine, Mazan a encore gagné. Pouvait-il en être autre que de gagner puisqu'elles veulent toucher la Nationale 2, le veulent aller dans ce barrage. Ils nous aurons Carl Vinson dans quelques minutes à nos côtés, au téléphone lui aussi. En football, Monsieur Henri ne sera pas là ce soir. Je m'y collerai, mais on retrouvera Patrice Bench qui nous parlera aussi de football et d'un événement tout particulier aux alentours de 19h25. On reviendra bien sûr sur le rallye d'Antibes, auto, où c'est que Florian Bernardi et Emmanuel Guigou ont fait le show de ce week-end puisqu'ils ont fait un super résultat tous les deux. Motobol, les résultats de la soirée, puisque Carpentras a joué et Camaré aussi. Athlétisme, Bibi Bougon, toute l'actu du jour à 19h20, ce sera Horizon. Marie viendra avec son magnifique magazine, vous enrôler, pourquoi pas, un week-end, on va dire, plutôt champêtre, pourquoi pas sportif et à la fois culinaire. Tout ça, c'est Marie. On retrouvera à 19h25, bien sûr, Patrice Bèche, pour vous inviter à une belle manifestation avec le SAP d'Avignon qui sera en point d'orgue dans cette manifestation puisque les joueurs de basket ont décidé de répondre présent. Patrice Belge nous en dira beaucoup plus sur cette belle initiative. À 19h30, focus ce soir avec Monsieur Gilly. Je vais me retourner vers Didier Bougon. C'est la virade dans les vignes de Bédaride où un certain Jean-Yves avait pris son dossard, mais il ne sera pas là. Il ne sera pas là, donc on aura la présence du président Olivier Gilly qui va nous parler de cette course, depuis combien de temps elle est organisée, et puis aussi de la virade des femmes qui aura lieu vers 9h15 ou 9h30 dimanche matin. Jean-Yves, c'est bien ça, tu ne seras pas là alors? Non, je ne serai pas là, je serai sûrement présent de retour dans le Vaucluse pour le week-end, mais en tout cas pas prêt à participer à cette course malheureusement, puisque j'avais effectivement prévu d'y participer. C'est que partie remise et j'espère pouvoir prendre part à cet événement organisé par Olivier. On va essayer de monter légèrement le son du... On va essayer de te monter légèrement, oui, Jean, on va essayer de monter un petit peu ton son, car tu m'apparais très loin. Est-ce qu'on est-ce qu'il y a une possibilité? Je suis très loin, Fred. Je suis à peu près à 1200 km de toi ce soir. Oui, je te disais que j'avais prévu de participer à cette course organisée par Olivier et son équipe. Et puis finalement, les aléas de la vie professionnelle font que je ne pourrais pas y participer, mais je serai quand même au bord du parcours dimanche. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec Jean-Yves, puisque c'est du... Top chrono, rugby à 15. Mais j'ai tout compris, excusez-moi, j'avais oublié ce soir de les présenter, ils m'en veulent, c'est pour ça qu'ils ont raté le coup du rugby à 15. Il faut demander à Monique si le week-end a été champêtre, a été sportif, ou ça a été farniente. Salut Fred, salut l'équipe, ça a été sportif. D'accord, et puis il y a notre incontournable Gilles, on lui a fait tourner la bourrique tout au long de cette saison puisqu'on l'a mené de partout. Et ce soir, comme je ne l'ai pas présenté, il s'est dit, tiens, mais lui, le rugby à 15, je vais l'arranger. Bonsoir Gilles, comment tu vas? Bonsoir Fred, ça va très bien. Bonsoir à toute l'équipe. Merci, voilà, l'équipe est au grand complet, vous avez bien compris qu'on n'est pas seul. Jean-Yves est très loin, il va revenir avec moi dans quelques minutes. Parlons un petit peu de ces phases finales 2017 en fédéral le 2. Eh bien oui, ils sont montés tous en fédéral le 1. C'est bien sûr, pour parler plus proche de chez nous, c'est Vienne, ce fameux match Château-Renard-Vienne qui devait se dérouler le week-end prochain et qui était gagné sur tapis vert par Vienne puisque Château-Renard ne s'est pas déplacé. On connaît les incidents, on connaît la lourdeur de ce qui s'est passé au niveau disciplinaire. Jean-Yves, est-ce que de mémoire tu as un petit peu tout le registre de ce qui s'est passé pour cette pauvre équipe de Château-Renard face à Vienne? Alors écoute Fred, c'est pas très compliqué à résumer ce qui s'est passé, hein. L'équipe de Château-Renard qui mène 13-0 contre Vienne au match aller au stade de Coubertin, Vienne qui revient au score 13-13 et puis Château-Renard qui retombe dans ses vieux travers. On ne serait plus revenu à une époque qu'on croyait révolue la semaine dernière du côté de Coubertin, avec une énorme bagarre générale. Manque de peau, ben ça se fait pas. Ça se fait pas pendant la saison. Il a été reproché à Bédarid cette saison d'avoir déclenché une bagarre qui avait absolument rien à voir avec celle-là. Et Dieu sait si on l'a reproché aux joueurs de la SBC. Château-Renard, là, c'est un petit peu enflammé. Et puis Daniel Saulier qui joue énormément sur le mental de ses joueurs, qui est un vrai ascendant psychologique sur ses joueurs et qui est reconnu pour ça d'ailleurs et qui est un maître. Là, je pense qu'il est allé un petit peu loin et voilà, une bagarre générale qui s'est poursuivie sous le tunnel, dans les vestiaires presque. Et voilà, tout ça pour dire que Château-Renard a été exclu, pas dans un premier temps, qui s'est auto-exclu finalement, hein, puisqu'ils avaient... Ils avaient pris 5 points de pénalité. Le match retour aurait été quasi impossible pour ces Château-Renardais. Et puis, dans une mauvaise réaction, a refusé de se rendre à Vienne pour jouer ce match. Je serais tenté de dire presque tant mieux pour l'équité sportive, mais tant pis pour notre sport qui souffre beaucoup cette saison de ce genre de conneries. Voilà. Eh bien écoute, tu as tout dit, restons quand même dans le rugby pour dire que cette équipe de Vienne, eh bien là, oui, elle a gagné le droit de jouer en fédéral 1 l'année prochaine et elle est rejointe par une... Pardon ? Ce qui est amplement mérité malgré tout, hein, pour cette équipe de Vienne, puisque les Viennois, on le sait, ont terminé première équipe de fédéral 2 sur la saison au niveau national. Donc, oui. Si les Château-Renardais avaient volé cette place à Vienne, ça aurait presque été un hold-up. C'est toujours possible dans le sport en fédéral 2 notamment. Mais la montée de Vienne en fédéral 1, c'est une vraie juste récompense pour les Viennois qui ont énormément bossé. Hier, Kerkeran, qui était dans la poule de la SBC, qui était le leader incontesté, jouait contre Saint-Jean-Royan. Et bien, eux aussi, sans détail, ils rejoignent la Fédérale 1, mais tout cela était un petit peu annoncé en début de saison. On connaissait l'effectif, on connaissait le rouage de ce club qui cherchait, à remonter en Fédérale 1. Et bien, chose faite, puisque sur les deux matchs, ils ont mis plus de 87 points à cette équipe de Saint-Jean-Royan qui l'ont rendu que 10 points. Si on regarde le total des deux matchs, on peut dire que hier en Kerkeran et Vienne, ça sera un beau quart de finale de Fédéral 2. Ouais, ça serait un superbe quart de finale. Et puis ça fait les affiches pour la saison prochaine en Fédéral 1. Après, on reste déjà salivé, hein, puisque on retrouvera le derby toulonnais, le derby du Var, entre hier en Kerkeran et la Seine. Ça promet quelques superbes empoignades. Et puis, effectivement, tu l'as dit, hier, Kerkeran, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils construisent leur futur, qu'ils construisent leur montée. L'an dernier, ils n'étaient pas présents au rendez-vous, mais ils ne sont pas passés très loin du rendez-vous. Et puis voilà, ils ont survolé la saison, tu l'as dit. Ils n'ont quasiment pas subi aucune défaite. Et puis, ben, c'est juste, là aussi, juste récompense de les voir accéder à l'échelon supérieur. Dans cette poule 4 de Fédéral 2. Et puis un club qui a 5 ans, qui mûrissait cette montée, là aussi ce sera un quart de finale, on va dire, Haute-Pyrénées et Pyrénées, c'est une histoire de Pyrénées, puisque Serré, voilà, pour en revenir à Serré, qui a 5 ans, qui... Comment Pyrénées Oriental face aux Pyrénées Atlantiques, puisque c'est Hendaye qui sera le quart de finale entre Serré et Hendaye. Serré, il y a 5 ans qui mûrissait, puisque chaque fois que j'allais du côté d'Argelès-sur-Mer, je prenais le fameux journal local et on parlait bien sûr de Serré, de ce travail qui était fait en sous-marin de tous les éducateurs et tout pour pouvoir remonter une équipe compétitive et retrouver la Fédérale 1. Et bien chose faite, puisque eux joueront en Fédérale 1 et Hendaye sera leur adversaire, surtout pour ce quart de finale, puisqu'Hendaye accède aussi. C'est le village de Serge Blanco, pour ceux qui connaissent du côté du Pays Basque, et bien eux aussi accèdent à la Fédérale 1. Voilà un joli quart de finale qui va être sympathique à voir, je crois, Jean-Yves. Ouais, un quart de finale qui en tout cas pour le coup est très indécis. Moi je mettrais personnellement une petite pièce sur l'histoire sportive de Serré, parce que ils ont aussi cette saison, ils ont quasi survolé leur championnat. Ils se sont énormément renforcés avec d'anciens joueurs de l'USAP, d'anciens dirigeants aussi de l'USAP. C'est un club qui tu l'as dit, forme des joueurs, mais aussi n'hésite pas à profiter de la retraite de certains pros de l'USAP. Et puis, ben, en même temps qu'ils font jouer ces joueurs de l'USAP, et bien continuer à former des jeunes. Tant et si bien qu'il y a un bel équilibre dans cette équipe de Serré. Et voilà, là aussi, c'est juste récompense de les voir accéder à l'échelon supérieur. Et ça rappelle de belles choses, puisque la SBC avait longtemps, pendant 3 ou 4 saisons, avait affronté cette équipe de Serré. Serré qui avait disparu un petit peu avant la SBC, du moins la SEB, et la SEB avait sombré un petit peu en Fédéral 1. Et puis 4 ans après, ben, chose faite pour Serré, 5 ans après, et la SBC qui cherche toujours à rejoindre la Fédéral 1, mais tout cela est un mystère encore, hein, pour nous. J'arrive. Ouais. Si tu parles de la SBC, Fred, le président Damiani a décidé de renforcer son staff technique cette saison, hein, puisqu'on le sait, Chris White quitte son poste d'entraîneur des avants. Il est remplacé par Guillaume Marquis, qui va faire équipe avec Michael Mabillon. Et puis l'apport d'un nouveau technicien qui a évolué pendant quelques saisons en top 14 du côté de Castres, me semble-t-il, si la mémoire est bonne. Tout à fait. Et voilà, c'est... C'était un signe, en tout cas, c'était un signe qu'a voulu envoyer Philippe Damiani, le président du club, pour dire, eh ben voilà, on a compris ce qui n'avait pas fonctionné cette année. C'est pas un désaveu de Chris White, hein, puisque c'est Chris qui a choisi pour des raisons personnelles de quitter le club. Mais voilà, Philippe qui aurait pu remplacer poste pour poste Chris White par Guillaume. Et au contraire, il a choisi de structurer un peu plus son staff. Et voilà, d'aller vers l'avant. C'est une belle réaction de la part du président Et nul doute qu'il faudra encore compter sur la SBC la saison prochaine et pourquoi pas envisager une montée en Fédérale 1, puisque avec le départ maintenant de hier à Carquéral, les cartes seront redistribuées la saison prochaine, Fred. Exactement, hein. Je vous donne un petit peu les résultats du moins. Les gens qui ont accédé en Fédérale 1, Suresnes et Orsay pour le Nord, Vienne bien sûr, hier en Carquéran, on vient de le dire, Serré, Andaï, on va dire pour les Pyrénées, du côté de l'Atlantique, c'est Bergerac et Orthez qui accéderont à la Fédérale 1. Et un petit clin d'œil quand même à un club qui était pratiquement aux portes du professionnalisme, c'était Niort. Malheureusement, Niort encore, on va dire, ripé pour l'accès en Fédérale 1. Il faudra attendre eux aussi quelques années avant de les revoir. Pourquoi pas en Fédérale 1, puisque cette année, ils sont passés quand même à côté du sujet, rien qu'à voir un petit peu les résultats face à Orsay. Voilà pour la Fédérale 2. Je vais te garder, Jean-Yves, puisque en Fédérale 3, les choses sont beaucoup plus simples, puisqu'il y en a qui étaient déjà promus pour la Fédérale 2, mais un quart de finale en Fédérale 3 qui va avoir son pesant d'or, parce qu'ils ont, tout au long de cette saison, on va dire que ces équipes ont été formidables, puisqu'ils ont un petit peu, on va dire, été les têtes de proue de leur division, de leur poule, pardon. C'est l'Étang de Berre, Lavalette. Voilà un huitième de finale plutôt explosif, Jean-Yves, puisque si on se souvient de l'Étang de Berre, quand ils ont éliminé les Loups-sur-Sorgue et après ils ont éliminé Aix, se retrouvent eux aussi en huitième de finale face à une ogre, puisque c'est Lavalette qui vont affronter, puisque Lavalette a fait un parcours, on va dire, sans faille, hein, puisqu'ils ont battu allègrement Martigues et Les Angles. Et bien, ouais, Angles, ouais. Voilà, là je pense quand même qu'il va y avoir un beau quart de un beau huitième de finale. On retrouve, en huitième, Fred, les deux meilleures équipes, les poules du Sud, hein, puisque le premier de la poule 9 va rencontrer le premier de la poule 10. Rien d'anormal là-dedans, hein. C'est presque logique. On connaît les joueurs de Lavalette. Là aussi, hein, pareil que pour Serré, c'est des clubs qui profitent de quelques anciens ou de mecs qui n'ont pas percé au plus haut niveau, notamment du côté de Toulon. Lavalette qui est entraîné par un pontessien d'origine, puisqu'il s'agit de Patrice Blacher. Voilà, c'est des équipes qui ont affirmé d'entrer leurs ambitions. Lavalette avait manqué la montée la saison dernière, mais cette année ils sont prêts et ça va le faire. Et de l'autre côté, ben, c'est Berre. Il y a quelques années, Berre évoluait en promotion d'honneur, et puis petit à petit ils ont construit, ils ne cessent de progresser, et toujours pareil, Berre, en prenant le temps de se structurer, hein, c'est un club qui est terriblement structuré avec une grosse école de rugby. Et puis, ben voilà, pas de secret, il n'y a rien d'inconsistant là-dedans. C'est presque normal aussi qu'ils se retrouvent à ce niveau-là et qu'ils accèdent à l'étage supérieur. Alors, pour la Fédérale 2, eh bien, je vous donne un petit peu les noms régionaux, parce qu'il y en a qu'on va sûrement croiser l'année prochaine. Annonay rejoint la Fédérale 2, aussi un club très important de l'Ardèche. Vinet, ça c'est un grand retour en Fédérale 2, ouais. Le retour de Vinet, parce que c'est un grand club ça aussi. Tournefeuille, Reymé, ça c'est un petit peu pour le centre. Et puis plus au nord, on retrouvera Pontarlier et surtout Bièvre-Saint-Georges. Là aussi, c'est des clubs qui sont huppés, mais surtout Annonay et Vinet qu'on va sûrement revoir pas très loin de chez nous, Jean-Yves. Ouais, les clubs Ardéchois, Vinet, Annonay, ce sont deux clubs qu'on avait l'habitude il y a quelques années de croiser régulièrement du côté des Verts d'eau. Et puis, les résultats de l'un et de l'autre club ont fait que ça s'est un petit peu tassé. Ils ont pris le temps aussi de se reconstruire, de revenir au niveau qui était le leur il y a quelques années. Il y a, comme tu le dis, Fred, il y a quelques chances pour qu'on croise ces équipes, notamment Annonay du côté des Verts d'eau la saison prochaine. Et voilà, c'est presque une bonne chose que ces équipes historiques pointent à nouveau le bout de leur nez en Fédérale 2. Vivement l'année prochaine pour le rugby, on verra bien sûr les résultats la semaine prochaine de ce qui s'est passé dans ces huitièmes de finale pour la Fédérale 3 et les quarts de finale pour la Fédérale 2. Mais pour l'instant, Jean-Yves, c'est la pub.